74e leçon. Le grand écran. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à notre soirée cinéma. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'acteur Alain Belon. Merci d'être venu, Alain. Alors, vous avez eu une vie fabuleuse, n'est-ce pas ? Oui, en effet, très variée. Et j'ai toujours été très apprécié. Quand j'étais à l'école, tout le monde m'aimait énormément. Il faut dire que j'étais très doué et que j'avais la cote avec les filles. Puis, à l'armée, les autres gars me respectaient. J'ai quitté l'armée après la guerre. Ils m'ont demandé de rester. Et là, j'ai rencontré Brigitte Charlot, avec qui j'ai commencé ma brillante carrière. J'ai d'abord été cascadeur, mais ensuite, comme je suis si beau, Jules Bassin m'a sorti des figurants et me voilà aujourd'hui. Et quelle est la qualité que vous préférez chez les gens ? La modestie. Exercice. Vous avez eu une carrière très intéressante, n'est-ce pas ? Elle a sorti toutes les vieilles lettres. Jean est un pianiste très doué. Il a toujours été comme ça. Quelle qualité aimez-vous chez votre mari ? Il faut dire que ce n'était pas à moi.